لأستقيم يا رب، افتح لي أبواب فضلك لأستقيم. يا رب افتح لي أبواب فضلك، استقيم يا رب افتح لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن صار على نهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإياكم من عذاب النار. أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات، أيام قليلة تفصلنا عن موسم الرحمة وشهر المغفرة والنفحات الربانية، فلك الحمد يا رب الأرض والسماء أن أطلت في أعمارنا، ونسألك أن تزيد لنبلغ هذا الشهر المبارك الكريم، وأن نكون فيه وإياكم والمسلمين من المقبولين. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل وهو يخاطبكم ويخاطب أمثالكم منذ البعثة إلى يوم القيامة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. وجاء رمضان، وجاء شهر الغفران، وجاءت الليالي المباركة، وكم لهذه الأيام من سرعة في المرور، ولكن هل من متدبر؟ كما يأمر رب العالمين: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار. إخواني، كيف نستقبل رمضان؟ هذا هو السؤال. كيف نستقبل رمضان؟ وكيف نعيش رمضان؟ وما الغاية من رمضان؟ وكيف ينبغي أن نستفيد من رمضان؟ تلكم هي بعض الأسئلة التي سنحاول الإجابة عليها بمشيئة الله خلال هذه الخطبة. رمضان أو شهر الصيام فيه صيام، فالشهر أفضل الشهور عند الله، اختاره الله تعالى أن أنزل فيه الكتب السماوية جميعها: القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، كلها نزلت في رمضان، فهو شهر نزول الرسالات، وهو شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، وهو شهر أمرنا الله تعالى بصيامه كما أمر من كان قبلنا من الأمم. فلذلك ينبغي أن نصوم. ما الصوم عباد الله؟ الصوم هو الإمساك والتوقف، وفي الإصطلاح الشرعي الصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد، بنية التعبد. لكن هل هذه العبادة من أحكام؟ نعم، لها أحكام، وبها تقام، ولا تقبل إلا إذا أداها المسلم كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما بيّن رسوله صلى الله عليه وسلم. شيخ خير، شيخ سير، comme ils sont rapides ces journées. Comme il passe très vite. Il y a longtemps, un petit moment, on avait dit c'est la fin du Ramadan. Aujourd'hui, ça va être dans quelques jours le début du mois du Ramadan. Qu'est-ce que le mois du Ramadan? Qu'est-ce que veut dire le mot jeûner? Et pourquoi on jeûne? Dans le verset coranique à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala a décrété le jeûne pour les musulmans, il a dit qu'il l'avait prescrit à ceux qui étaient avant nous. Et tout ceci, le but c'est quoi? Pour atteindre la piété. Ce n'est pas pour souffrir, ne pas manger, ne pas boire. Non, c'est pour atteindre un degré spécial qui est le degré de la piété. لعلكم تتقون craindrez-vous. فلذلك nous devrons comprendre qu'est-ce que le jeûne. Alors je vais parler des catégories de jeûne. Il y a des gens qui jeûnent, c'est les membres qui jeûnent. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas et ils passent sa journée sans rapport et puis voilà, ils jeûnent. Ça c'est le premier degré. Et un autre jeûne, le deuxième degré, c'est jeûner avec les membres et ne pas tomber dans le péché. Oui, parce qu'il y a des gens qui jeûnent et des jeunes qui jeûnent, mais ils ne connaissent pas la valeur du jeûne. Ils ne savent pas pourquoi ils jeûnent. Je jeûne parce que toute la famille a jeûné à la maison. Je jeûne parce que personne ne mange. Je ne mange pas moi aussi. Mais je me permets de tout faire. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la valeur de As-Siyam. As-Siyam, le jeûneur, il doit jeûner avec son cœur et son corps. Mais la plupart des gens, malheureusement, aujourd'hui, ils ne jeûnent qu'avec le corps. Mais le cœur, il est ailleurs. Les yeux, ils sont ailleurs. Les mains, ils sont ailleurs. Ils se permettent de tout faire. Et ces gens, ils doivent revoir leur copie, ils doivent bien savoir qu'ils ne sont pas en train de se jeûner, en train de jeûner, mais ils sont en train de souffrir pour rien. Sachant que le fait de jeûner ne fait pas souffrir. As-siyamu ibadallahi ibadatun khassatun bayna al-abdi wa rabbi. As-siyam ibadatun laysat kabaqi al-ibadat. Hiya خاصة. لذلك ورد فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه لي. لماذا الصيام خاصة هو لله عز وجل؟ هي العبادة الوحيدة. الصيام هي العبادة الوحيدة التي لا يطلع عليها أحد من الخلق. فأنا إذا صليت يراني الناس وأنا أصلي، وإذا حججت علم الناس أني أديت فريضة الحج. إلا الصيام، كل العبادات إلا الصيام تبقى بينك وبين الله عز وجل. قد أملأ بطني وأخرج للناس وهم يعتقدون أنني صائم، لكن رب العالمين علم ذلك، فلذلك خص الله تعالى أجر وثواب هذه الفريضة له سبحانه وتعالى. لا أحد يعرف قيمة أجر الصيام إلا رب العالمين، فلذلك قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. C'est le mois de la purification. الصيام، le mois du Ramadan, c'est le mois de la purification. C'est une école, c'est une clinique, appelez-la comme vous voulez, mais c'est une chance qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous accorder, inshallah, et qu'il n'a pas accordé à des gens qui ont fait avec nous l'année dernière le mois du Ramadan, mais cette année, ils n'ont pas la chance parce qu'ils ne font plus partie de ce monde. Eh oui. Ou bien parce qu'ils sont malades, ils ne peuvent plus jeûner. Alors profitez de cette occasion qu'Allah Ta'ala vous a accordé la santé, il vous a accordé la vie. Alors ne ratez pas ce mois sacré qui est le mois du Ramadan. Mais comment, monsieur, on ne va pas le rater? On jeûne. Qu'est-ce que tu racontes? On jeûne. On ne mange pas, on ne boit pas. Eh, c'est une autre histoire. On ne jeûne. On jeûne. L'estomac, évidemment, il est en vacances. Mais on va se poser quelques questions, et c'est ça qui me rend triste un petit peu. Je suis content parce que le Ramadan s'approche, mais quand je me rappelle de ce qui s'est passé l'année dernière, pendant le mois du Ramadan, je deviens un petit peu triste. Le comportement des musulmans et des musulmanes, des jeunes, des adultes, des vieux, Wallah, il y a des moments où je pleure. Je dis, Wallah, on n'a rien compris de cette belle religion. Vous imaginez? Vous savez comment les non-musulmans apprennent que c'est le Ramadan, à part la télé? C'est très facile. Par le bruit. Par les noyaux des dattes jetés sur les trottoirs. Même les boueurs, ils savent que c'est le Ramadan. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est une umma du gaspillage. On est une umma du gaspillage. Le premier pays au monde au gaspillage, c'est un pays musulman. 1,5 milliard de nourriture qui va dans les poubelles. Je ne le dis pas de mon tête, c'est de ma tête, mais c'est des statistiques officielles. Le deuxième pays, pays musulman. Le troisième pays, pays musulman. Eh oui. Si vous voulez le savoir, allez-y voir nos poubelles, a'azzakumullah, comment elles sont pendant le mois du Ramadan. Allez-y voir les gens pendant le Ramadan dans les grandes surfaces. Je sais que je ne vais manger qu'une baguette, mais j'achète 4. Je sais que je peux consommer une livre de viande, j'achète 20 kilos. Même le congélateur, il se plaint des musulmans qui n'arrivent plus à se fermer. Sachant que le boucher, il est juste à côté, je peux aller acheter quand je veux. Non, j'achète et je cuis et je jette dans la poubelle. Voilà, c'est ça le Ramadan pour quelques-uns. Pour certains, c'est ça le Ramadan. Oui. Sachant que ce que je jette moi, il y a des gens qui ont besoin de cette nourriture. Mais c'est le Ramadan. Ah oui, il y a des gens qui disent à moi, écoutez, je dois un petit peu économiser pour le mois du Ramadan. Subhanallah, on dirait qu'il va en vacances. Il économise pour le Ramadan. Ceci veut dire qu'il va manger le triple. Et il est où le but de ce mois du Ramadan? La purification, il est où? De l'âme et du corps et du cœur. Non. Et quand je parle des jeunes, alors là, c'est un autre problème malheureusement. Et je le dis avec amertume. Et croyez-moi, et Dieu témoigne ce que je dis. Quand je me mets en colère, quand je crie, Wallah, c'est par amour. Wallah, je le dis par amour, parce que je vous aime. Vous êtes tous mes frères, mes sœurs, mes fils. Quand vous sortez pour faire la prière, est-ce que vous posez la question suivante? le voisin du palier qui n'est pas musulman, est-ce qu'il est content de moi? Wallah, non. Croyez-moi, wallah, non. Je plaque la porte. Je fais du bruit dans l'ascenseur. Je reste 3 heures devant l'ascenseur. Je l'empêche de monter et de descendre. Je parle avec mon voisin. On est des musulmans, on a la tunique ici. Hajib al-Qshaba. Eh oui, c'est ça. Et quand on sort dehors, alors là, attention à la circulation. Il n'y a ni feu rouge, ni feu vert, ni rien du tout. Je traverse parce que je suis jeûneur. Je suis musulman, je fais le ramadan, respectez-moi. Mais monsieur, tu dois te respecter déjà toi. Et quand je viens dans la mosquée, alors là, c'est un autre monde. Je ne critique pas mes frères. Wallah, je construis. Wallah, parce que je suis sûr et certain qu'il y a un grand nombre de personnes qui vont écouter ce que je dis. Ils vont se poser la question, ils vont dire, oui, il a raison, on doit faire une modification. Quand ils arrivent dans la mosquée, alors c'est la fin du monde. On ramène nos enfants, on ramène nos bébés, on crie, on sale, on met de la saleté partout, on jette tout ce qu'on mange. Il y en a qui font des réunions chez les femmes, chez les hommes, partout. Ce n'est pas ça le mois du ramadan. Réveillez-vous. On doit se réveiller. Je parle à moi, pas à vous. Je dois me réveiller pour bien jeûner le mois du ramadan. Tout le monde se plaint des musulmans pendant le mois du ramadan. Attention, il y a une grande majorité ici, si on ne dit pas 95%, sont les meilleurs, masha'Allah. Ils arrivent humblement dans les mosquées. Ils respectent les mosquées. Ils respectent les organisateurs, les gens qui font la sécurité, qui organisent. Mais Adatri Alatif, il est comme ça. Il attend que tu lui parles. Tu lui parles dans le parking, il déclare. Il démarre tout seul. Mandouche la première vitesse, la deuxième. Il passe directement à la cinquième. Eh oui, et quand vous lui dites, il goulgane saïm. Allahumma inni saïm. Mes frères, mes sœurs, on doit comprendre les finalités de cette adoration très importante dans notre vie. Et c'est quoi le but de cette adoration? Si je ne vais pas sortir de ce mois avec de la piété et humble, avec un bon comportement, je dois savoir que Allah Ta'ala n'a pas accepté mon jeûne. La budda min muraja'ati hisabatina. لن أتكلم لكم عن أحكام الصيام أنتم تعرفونها أحسن مني ربما أنتم تعرفون أحكام الصيام حكم صيام المريض الذي لا يصوم وإذا كان مرضا مزمنا لا يصوم وإذا كان مرضا يشفى فإنه ينتظر عدة من أيام أخر هذا كله والله تعرفونه جيدا الذي لا نعرفه هو معاملاتنا سلوكنا أثناء شهر رمضان وهذا ما ينقص هذه الأمة هذه أمة خير هذه أمة فيها الخير إلا أنها مع الأسف الشديد حصرت دينها في ممارسات دينية بيد أن الدين جاء للمعاملات الدين المعاملة أن نتعامل كيف نتعامل مع أئمتنا حتى الإمام لا يجد الراحة المسكين أنت تجلس أمام المائدة تأكل من كل أصنافها وتملأ بطنك حتى تنتفخ وتأتي إلى المسجد الإمام مسكين لا يأكل مثلنا الأئمة لا يتناولون الإفطار مثلنا لماذا؟ لأنه إذا تناول الإفطار مثلنا لن يستطيع الوقوف لن يستطيع التخشع لن يتذكر ما آتاه الله من فضله من القرآن الكريم فلا تلوموهم إذا أطالوا ولا تلوموهم إذا قصروا بل ارحموهم وادعوا لهم بالثبات والتوفيق وصونوا مساجدكم بالنظافة بالهدوء لا تضيقوا على الجيران إن من ضيق على جار أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن 3 مرات من لا يأمن جاره بوائقه الويزانس دي فوزا فأين نحن إخواني من هذا الأمر من أراد أن يعرف أن الله قد تقبل منه فليخرج خاشعا وليعد خاشعا إلى بيته الناس اليوم صلاة العشاء صفان أو ثلاثة، التراويح المسجد عام فوق تحت ما بين الفوق وما بين التحت كل الأماكن، المفهوم الخاطئ للعبادة. بعض الناس يعتقدون أن رمضان هو التراويح، بيد أنها سنة ليست فريضة، ليست فريضة التراويح، التراويح سنة، من استطاع القيام بها أجاد وأفاد وله الأجر الكبير، من لم يستطع فليصلي العشاء وليذهب إلى بيته وله الأجر عند الله. Et là je parle aux jeunes, à ceux qui se préparent pour les examens, à ceux qui auront des examens dans quelques semaines. Ne restez pas dans les mosquées jusqu'à 1h du matin. Non, je parle aux élèves qui arrivent dans les classes et qui baillent toute la matinée, qui ne comprennent rien de l'explication du professeur. Et quand le professeur parle, hein, « Monsieur, je jeûne. » « Tu jeûnes, c'est pas comme ça. » Évidemment, parce que tu n'as pas pris ton repos. « Sallu l'isha, ya talamid. »« Ya talamid, isma'ou. » Les élèves, faites l'isha et rentrez chez vous. Et rentrez humblement. Ne jouez pas au foot devant la mosquée. Ne restez pas en groupe devant la mosquée. Je parle aux jeunes, aux vieux et aux adultes. Ne restez pas devant les mosquées, s'il vous plaît. Ne vous garez pas devant les voisins. « Ittaqullah. Ittaqullah. » Ne causez pas des problèmes à des salles de prière et à des mosquées. C'est le mois où le musulman doit être humble. C'est le mois où on doit profiter le maximum à travers nos comportements. أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله القائل إنما الأعمال بالنيات وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما دامت الأرض والسماوات. عباد الله، على المسلم أن يتعلم من أحكام الصيام ما يتقرب به إلى الله عز وجل وما يؤدي به هذه الطاعة، وعليه أن يلزم قراءة القرآن الكريم تصفحا وتدبرا وتفكرا، وعليه أن يجتنب كل الملاهي وأن يتجنب اللصوص الذين يسرقون الحسنات. التلفاز يسرق الحسنات في المسلسلات والمهرجانات والأفلام، الأسواق تسرق كذلك الحسنات، الجلسات العائلية التي فيها الغيبة والنميمة تسرق الحسنات، الكلام الفارغ يسرق الحسنات، واللصوص كثيرون يضيق المجال والوقت لذكرها وصردها. اتقوا الله عباد الله، واستعدوا لهذا الشهر المبارك بحسن النية وبالتقرب إلى الله عز وجل، وأعينوا أهلكم. أيتها المرأة المسلمة، لا ينبغي أن تقضي الأخت المسلمة كل وقتها في المطبخ، قل له عملت لهم واحد الطبلة ما شاء الله، يا ودي راكي تهلكيهم بالطبلة، انقصي لهم من الماكلة باش يتقدوا، ورا الناس قاع مرض بالكوليسترول وبالسكر بسبب الماكلة، انقصي للناس الماكلة، الناس ما تاكلوش كثير، الصيام لقيمات يقمن صلبك، راه ماشي بكثرة الماكلة اون اغيف ا ريزيستي، سي با اون مونجون بوكو كون اغيف ا ريزيستي لا جورني دو موا دو رمضان، راه ليستوما ان استوما سان à partir de 3 heures, tu manges ce que tu as mangé, il doit être vide. Celui qui est malade, il trouve des difficultés pour digérer. Les femmes, elles doivent essayer de rester le maximum quand elles ont des occupations, au lieu de ramener des bébés pour crier dans les salles, au lieu de se réunir pour parler, Malheureusement, Allah, dans une mosquée, on m'a appris qu'il y avait une femme qui ramenait des kaftans pour les vendre pendant les nuits du Ramadan. Tout ça, c'est des choses, je ne les dis pas pour critiquer, pour faire le rappel parce que je suis responsable devant Allah Azza wa Jalla. Et je sais qu'il y a des gens qui font certains actes par ignorance. Ils ont une bonne foi. Les sœurs, mashallah, ils ont de l'iman, ils ont tout. Mais parfois, on fait des choses dont on ne fait pas attention. Alors, essayez, ceux qui ne peuvent, celles qui ne peuvent pas, et ceux qui ne peuvent pas, ne faites pas de tarawih. C'est bien, c'est magnifique de faire tarawih. Mais tu restes chez toi jusqu'à ce qu'ils ont commencé le tarawih et tu as raté l'Isha, ça c'est grave. Ça c'est une mauvaise compréhension de l'islam. Le waqt ma al-asaf al-shadid lam yasmah li ila an atawassa' fi hadha al-mawdu' ربما تكون لي عودات او رجعات في ليالي نهار رمضان ان شاء الله تعالى القاكم حبا فيكم ودعوات لكم اشهد الله اني احبكم في الله وانني ادعو لكم أن تستقيموا وأستقيم معكم وأن تتحسن أخلاقنا في هذه الأيام المباركة. Donnez l'exemple, يرحم والديكم. Donnez l'exemple, les élèves, les étudiants. Faites l'Isha et rentrez chez vous. Faites dorkat. Ne restez pas jusqu'à 2 heures et vous avez un cours à 8 heures du matin. Et parfois vous avez des examens. أسأل الله أن يوفق أبناءنا في الامتحانات. الأخوات ديالنا غادي يتعبوا في هذا رمضان شوية. الله يسمح لنا من الأخوات ديالنا ومن الأمهات ديالنا ومن الزوجات ديالنا الإخوان الشيوخ أسأل الله تعالى أن يوفقهم لصيام هذا الشهر ومن لم يستطع فالله قد أعذره المرضى أسأل الله تعالى أن يشفيهم الإخوة القائمين على هذا المسجد أسأل الله تعالى وعلى كل المساجد أسأل الله أن يوفقهم للخير وأن يجمع شملهم وأن يعينهم لما يحبه ويرضاه أسأل الله رب العرش العظيم في هذه الأيام المباركة أن يتولى أمرنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم وفقنا لما فيه الخير اللهم وفق ملوك ورؤساء المسلمين للخير واجمع شملهم ووحد صفوفهم اللهم هدئ أوطاننا واجعلنا من عبادك الصادقين قولا وعملا اللهم احفظ لنا بلدنا هذا وارزقنا فيه الأمن والأمان والسلامة والإطمئنان واهد أهله لما تحبه وترضاه اللهم ارزق الأرض جميعا الأمن والأمان والسلامة والإطمئنان اللهم وفق أئمتنا في هذا الشهر المبارك الكريم وعلماءنا وخطباءنا واجعلنا من عبادك الصادقين قولا وعملا آمين آمين آمين آمين والحمد لله بالعالمين إخوانكم جاءوا من مونتخوي يبنون مدرسة ولهم مسجد وقد سبق لي أن خطبت عندهم عدة مرات أسأل الله تعالى أن يفتح قلوبكم لمساعداتهم Ne passez pas devant les gens qui demandent de l'aide Donnez 10 centimes, donnez 50 centimes Mais ne passez pas sans rien donner C'est notre responsable à nous tous de les aider أسأل الله أن يوفقنا جميعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين